est venu faire nous changer la vie nous. Nous t'ai dit nous je t'aime sans connaître nous vraiment. Rêvons me réaliser. Où c'est pas sur moi et toute force moi. Toutes étoiles en ciel qu'a pas les dire. Qu'a dit qui chante belle. J'aimerais qu'a dit moi c'est où elle est. Pour me respirer c'est où elle est. Laissez-moi trouver c'est où elle est. En fait pas arrêter sans vous. J'aimerais qu'a dit moi c'est où elle est. Un jour passé sans vous, c'est en éternité. En éternité. Tout pensée, moi, c'est vous. Oxygène, moi, c'est vous. Vous êtes comme un cabrile, moi. Le lève en pensée, si moi. En sourire au café, moi, chaviré. Car moi, fou de vous. J'aimerais qu'à dire, moi, c'est vous. Sans vous. J'aimerais qu'à dire moi c'est où elle est. Pour me respirer c'est où elle est. Laissez-moi ouvrir c'est où elle est. Où n'y tiens-moi, où n'y comme-moi. Sans vous rien ne peut pas exister. Moi qu'à chercher ou même les entouper moi.